Fable de Jean de La Fontaine. Livre 5. Le renard ayant la queue coupée. Un vieux renard, mais des plus fins, grand croqueur de poulet, grand preneur de lapin, sentant son renard d'une lieue, fut enfin au piège attrapé. Par grand hasard, en étant échappé, non pas franc, car pour gage il y laissa sa queue, s'étant, dis-je, sauvé sans queue, et tout honteux pour avoir des pareils, comme il était habile, un jour que les renards tenaient conseil entre eux. « Que faisons-nous, dit-il, de ce poids inutile et qui va balayant tous les sentiers fangeux? Que nous sert cette queue? Il faut qu'on se la coupe. Si l'on me croit, chacun s'y résoudra. » « Votre avis est fort bon, dit quelqu'un de la troupe, mais tournez-vous de grâce et l'on vous répondra. » À ces mots, il se fit une telle huée que le pauvre écourté ne put être entendu. Prétendre ôter la queue eût été temps perdu. La mode en fut continuée.